Donc aujourd'hui, bah, écoutez, on continue dans les psaumes. Tout cet été, ce sera dans les psaumes. Je ne sais pas qui était là la dernière fois, dimanche dernier et le dimanche d'avant. Alors, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait commencé, donc c'était Glenn qui avait commencé par le psaume 1 et le psaume 150. C'est-à-dire que les deux psaumes qui encadrent tout le livre des psaumes. Et on avait eu la visite la semaine dernière de Bernard. Bernard, c'est ça? Et c'était le psaume 73. 113, le psaume 73, le psaume d'Azaph. Voilà, le psaume dit québécois. Quoique les Français sont des grands râleurs. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer sur le psaume 77, qui est toujours le psaume d'Azaph. Je ne sais pas si on dit Azaph ou Asaph, bah, disons Azaph. Et donc, premièrement, j'aimerais demander si quelqu'un ici a une version du Semeur ou une version de la Bible en français courant. Est-ce que quelqu'un a une version en français courant? Non? Personne? Non? Oui? C'est pour lire le. Non, personne n'a un français courant? Si? Ok. Non, pour lire le psaume, j'aimerais lire ce psaume-là en français courant. Parce que souvent, les psaumes parfois sont assez rébarbatifs. C'est poétique, mais le langage parfois est assez vieux. Et j'aimerais quand même qu'on puisse le lire en français courant. Ça passe un peu mieux. Donc, Glenn a parlé de la structure des psaumes. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours. Glenn est un universitaire, c'est son métier, donc il s'y connaît. Je ne vais pas vous faire un cours sur la structure des psaumes, sur les différents psaumes, sur les psaumes de louanges, sur les psaumes. Oui. Merci. Merci bien. Est-ce que tu peux nous lire le psaume 77? Dans la détresse s'évoquent tes merveilles d'autrefois. Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur sans relâche. La nuit, ma main se tend vers lui. Je refuse qu'on me console. Dès que je pense à Dieu, je pousse des soupirs. Dès que je réfléchis, je perds courage. Tu m'empêches de fermer l'œil, Seigneur. Je me trouble, je ne sais plus que dire. J'évoque le lointain passé, je repense au temps jadis. Je passe la nuit à réfléchir, je médite plutôt. Je passe la nuit à réfléchir, je médite et je cherche à comprendre. Le Seigneur nous rejettera-t-il toujours? Ne voudra-t-il plus jamais de nous? A-t-il cessé pour toujours d'être bon pour nous? N'a-t-il désormais plus rien à nous dire? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de nous? Dans sa colère, nous a-t-il fermé son cœur? Et je me dis, ce qui me fait mal, c'est que Dieu très haut n'agit plus pour nous. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits. Je médite tes actes mémorables. Ô Dieu, ton action est unique. Aucun Dieu n'est aussi grand que toi. Tu es le seul qui fasse des merveilles. Tu as montré ton pouvoir aux autres peuples. Par ta vigueur, tu as délivré ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Ô Dieu, quand les eaux t'ont vu, elles ont été prises de peur et bouleversées jusqu'en leur profondeur. Les nuages déversaient tes torrents d'eau, au milieu d'eau grondait le tonnerre, et tes flèches volaient en tous sens. Au roulement de ton tonnerre, les éclairs illuminaient le monde, la terre tremblait de peur. Tu t'es fait un chemin dans la mer, un passage au fond de l'eau, et personne ne retrouvera tes traces. Tu t'es servi de Moïse et d'Aaron comme berger de ton peuple. Merci. C'est beau, hein? C'est beau. Dans ce psaume, Asaph commence par se plaindre, mais par constater que ça va mal. Qu'il y a eu un moment où les choses allaient bien, Dieu était à l'œuvre, Dieu était au commandement, enfin Dieu agissait dans le pays. Et puis là, tout d'un coup, ben, plus rien ne va, tout va à volo. On dirait que Dieu s'est tu, on ne l'entend plus. C'est, Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu nous as abandonnés? Est-ce qu'on a encore, on a encore de l'espoir? Et ensuite, il y a une partie adoration. Dans les psaumes d'Azaph, il y a toujours, souvent, il y a souvent ça comme, comme structure. Une partie où il commence en disant ben, les autres, ou la situation, c'est pas ça. Et ensuite, il finit par l'adoration. Bon, on va y revenir. La question que moi, j'aimerais juste voir avec vous aujourd'hui, c'est qui était Azaph? Okay? Les psaumes, il en a écrit 12 en tout, qui lui sont attribués, les psaumes d'Azaph. Mais il y a une façon de lire les psaumes. Okay? Les, Glenn, par exemple, on a parlé un peu brièvement au cours de son partage sur comment lire les psaumes. Il y a une façon universitaire de lire les psaumes, une façon structurée de lire les psaumes, une façon logique de les interpréter. Bon, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Simplement, ce dont je veux parler, c'est vous présenter qui est Azaph, qui les a écrits. Une fois qu'on en saura un peu plus sur lui, sur sa vie, on comprendra peut-être un peu mieux de quoi il voulait parler et ce qu'il a écrit. Quand on connaît l'humeur dans laquelle était l'auteur, quand on connaît ce qu'il a traversé, quand on connaît quel était son problème, on peut comprendre ce à quoi il fait référence dans tous ses psaumes. Et je pense qu'après ça, on ne lira plus les psaumes d'Azaph comme on avait l'habitude de les lire. Donc, qui était Azaph? Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de lui? À part dans le psaume d'Azaph, est-ce que, à part ça, quelqu'un sait qui il était? Non? Personne n'a aucune idée? Oui, Carlos? Il était? Exactement, tout à fait, oui. Exactement. Donc, Azaph faisait partie de l'équipe de louange et il était même le chef des chantres sous David et sous Salomon. Donc il a vécu les deux règnes. Il a vu un peu comment tout ça se passait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livre de Chroniques, les références sont assez, bon, je vais pas trop donner des références, mais le livre de Chroniques nous dit que quand l'arche de l'alliance a été transportée à Jérusalem, vous vous rappelez de l'histoire où David a dansé devant l'arche de l'alliance? C'est ça. Et puis sa femme lui a dit, c'est quoi ce truc là? Toi roi, tu danses avec une petite culotte là? Vous vous rappelez de l'histoire? Voilà. Donc c'est cette histoire-là. Quand David a ramené l'arche de l'alliance depuis la maison de Obed-Edom, parce qu'en fait l'arche de l'alliance avait été posée chez Obed-Edom, parce qu'on avait peur que Dieu fasse un peu de trouble, hein. Donc on l'a mis chez Obed-Edom. Et Obed-Edom a été béni, ses troupeaux, il est devenu riche, il est devenu, les gens sont. Et David s'est dit que, hey, ce gars-là, apparemment, ça a l'air de marcher pour lui. Je prends l'arche et puis mettre à Jérusalem. Donc bon, bref, vous connaissez toute cette histoire. Et à cette époque-là, on a pris. David a dit aux Lévites, écoutez les gars, choisissez entre vous des gens et puis mettez-les pour taper les cymbales. Okay? Donc à l'époque, les Lévites ont pris Azaph, mais pas que Azaph. Ils ont pris Azaph, ils ont pris Éman et Éthan. Ils les ont nommés comme responsables des instruments. Mais ça, c'est les Lévites qui les ont fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un tout petit peu plus tard, il est dit que David lui-même l'a nommé ensuite chef des chantres. Ok, je répète un peu le truc pour ceux qui ne suivent pas, on est dimanche matin, on est un peu endormi. Les chefs des Lévites ont nommé des jeunes en disant, bon, vous là, vous trois là, vous occupez des instruments. Et quelques temps plus tard, David a dû remarquer Azaph d'une manière ou d'une autre, parce que premièrement, Azaph était relativement jeune, parce qu'on ne confie pas ça à des gens beaucoup plus âgés à l'époque, donc il devait avoir dans la vingtaine. Deuxièmement, l'ascension de Azaph a été quand même assez fulgurante pour que David, premièrement, David le remarque, et deuxièmement, que David, 1 Chronique 15, il est nommé par les Lévites chef des instruments, 1 Chronique 16, un chapitre plus loin, bon, peut-être qu'il s'est passé plusieurs années, mais très vite, il a été nommé chef des chantres. Et son frère, il avait un frère, Zacharie, tous les deux fils de Bérékia, était second après lui. Bon, si vous voulez, vous reviendrez à la fin, je vous donnerai toutes les références en chronique, enfin, je ne vais pas vous assommer sur les références. Et donc, il est dit aussi à plusieurs reprises que Azaph était prophète auprès de David. Ce n'est pas un verset qu'il dit. À plusieurs reprises dans la Bible, on parle de Azaph comme étant Azaph le prophète. Bon, ce n'est pas tellement le mot prophète qui est utilisé. Le mot qui est utilisé, c'est le mot voyant. Parce qu'à l'époque, on parlait de voyant, de seer, le voyant, pas de prophète. Le prophète est venu que plus tard. Donc, on voit que Azaph était un homme important en Israël. Ce n'était pas n'importe qui. Il connaissait le roi personnellement. Il était le chef de toute la liturgie, à qui on peut comparer ça ici là? À quel ministre on peut le comparer, hein? Il n'y a pas le ministre de la louange là, c'est bon, porte-parole du gouvernement peut-être, hein? Ministre de la jeunesse, oui peut-être, oui, ministre de la jeunesse. C'est qui Bouchène? Hein? Faisait quoi bon? Oh boy, come on. Ok, ok. Allez, come on. Et donc c'était quelqu'un quand même d'important, qui ne vivait pas dans la pauvreté non plus, hein, parce que les prêtres à l'époque avaient, comme dans toutes les époques d'ailleurs, ils n'ont jamais énormément galéré, sauf peut-être les prêtres, les moines tibétains peut-être qui m'ont dit un peu, mais bon bref. Donc lui, c'est un homme qui n'avait pas de quoi se plaindre, ok. Il était à Jérusalem, il était au centre du pouvoir, il était proche du roi, il était chef des chantres, il avait une fonction assez enviée. C'est quelqu'un aussi qui était très doué pour sa génération. Parce qu'il y a beaucoup de psaumes qu'il a mis en musique. Il paraît que certains psaumes de David ont aussi été mis en musique par Asaph. Okay? Et certains psaumes, en fait, d'Asaph ne lui ont pas été attribués. Bon, ça, après, c'est d'autres polémiques. Bien. Jusque-là, vous me suivez? Ok? Donc, à l'époque, c'était un jeune homme qui vient, qui est nommé, mettez-vous à sa place. Okay? Mettez-vous à sa place. Vous arrivez, très rapidement, vous gravissez les échelons de la société, vous vous retrouvez au top du top parmi les sacrificateurs. Et là, on voit que Asaph sort des psaumes, et dans les psaumes, il dit « Dieu nous a abandonnés ». Et là, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Il dit, dans le psaume 113, par exemple, il dit, mais quand il voit les autres qui s'enrichissent, qui sont bien, et lui se dit pourquoi lui il est juste et pourquoi lui il souffre comme ça. Mais qu'un prêtre haut placé souffre comme ça, tu dis mais pourquoi il parle de ça, où est le problème? En fait, j'aimerais vous parler du contexte dans lequel Asaph a vécu. Ok? L'arche de l'Alliance était enfin à Jérusalem. Mais comprenez, je ne sais pas quelle image je peux prendre. Comprenez que pour les Juifs, l'Arche de l'Alliance, c'était l'Arche de l'Alliance. Bon, c'est niaiseux de dire ça, mais c'était vraiment le signe de leur appartenance, le signe de leur alliance avec Dieu. C'était le cœur même de leur foi était là, l'Arche de l'Alliance. Et que le fait que l'Arche de l'Alliance, après avoir passé des années chez les Philistins, revienne chez nous, revienne à Jérusalem, et celui que le héros du peuple, parce que David, avant d'être roi, C'était un général qui avait gagné énormément de batailles. C'était le chouchou de ces dames. C'était le héros national. Et notre héros national devient roi sur le pays. Le pays est stable. Saül est mort à la guerre. Bon, c'est dommage pour lui. Maintenant, David est roi. C'est un nouveau règne qui se passe. C'était une époque où tous les rêves étaient permis. Le pays connaissait une certaine stabilité. Et de plus, David, au début de son règne, reçoit une promesse. Parce que David voulait construire le temple. Vous connaissez l'histoire, il veut construire le temple, et puis Dieu lui dit, c'est pas toi qui vas la construire, c'est ton fils, et on sait qui a construit le temple. Oui, on sait qui a construit le temple? Oui? Non, c'est pas Jésus. Ah non, Jésus l'a détruit. Non, c'est Salomon, c'est son fils Salomon. Mais David avait reçu une promesse par le prophète Nathan. Il dit, la promesse qu'il avait reçue, c'est celle-ci. On la trouve dans 1 Samuel, dans 2 Samuel. Il dit, quand tes jours seront accomplis, donc David, quand tu seras mort, quand tu seras couché avec tes pères, quand tu seras mort, j'élèverai ta postérité après toi, donc quand tu seras mort. Celui qui sortira de ses entrailles et j'affermirai son règne, ok? Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de sa royauté. Est-ce que c'est pas rien là? C'est pas rien. Il n'y a aucune dynastie qui n'a tenu pour toujours. Hein. Les plus longues dynasties, peut-être, ont été les dynasties chinoises, Ming, je ne sais pas quoi là, mais elles n'ont pas tenu. Bon, elles ont tenu 5, 6, 7, 8, 10 générations, mais après, ça n'a jamais existé. C'est impossible. Voilà une promesse que Dieu fait, que le roi qui sera là, c'est un roi qui sera là pour toujours. Et son règne n'aura pas de fin. C'est comme ça qu'ils l'ont compris. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Nous, aujourd'hui, ben oui, avec 2000 ans d'écart, là, on dit, ouais, mais il parle de Jésus. Il parle évidemment du règne millénaire de Jésus. Ouais, ouais, ouais, mais attendez, là c'est il y a 4000 ans. Hein. Donc aujourd'hui, c'est facile pour nous de dire, on comprend ça comme ça. Mais eux, à leur époque, ben, le Jésus qui va venir, le Messie ultime, eux, c'était pas ça. Ils attendaient un Messie, là, maintenant, pour Israël. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Le Messie pour Israël? Le Messie qui va venir, qui va mettre un règne millénaire, hey, c'est le fils de David. Le prophète Nathan l'a dit. Ça continue. Et S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que je rejetais devant toi. Donc même s'il fait des bêtises, je le corrigerai un peu, mais je serai toujours, toujours, toujours avec lui. Je continue. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés et ton trône sera pour toujours affermi. C'est une prophétie en fait messianique qui concerne Jésus, mais à l'époque, elle concernait le Messie qu'eux attendaient. Elle concernait le Messie, ça concernait Salomon. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Pour les Juifs, quand ils ont entendu ça, enfin pour les Juifs, pour ceux de l'époque en tout cas, à Jérusalem, parce que comprenez bien que ça a été écrit. Si ça a été écrit, c'est que tout le monde était au courant. Oui. Bon. Non. Donc, tout le monde était au courant. Et un, Nathan, c'était le prophète officiel quand même. C'était le number one. Non, c'était celui qui était... Achat. Que le fait que Nathan fasse une prophétie, je pense que tout le monde était au courant autour. Tout le monde a entendu. C'est pas des trucs qui se faisaient souvent en cachette. Et là, tout le monde attend la naissance d'un des fils de David qui deviendra le Messie, le roi dont le règne n'aura pas de fin. Ok? Entre parenthèses, ici, il n'est jamais dit que le gars ne mourra jamais. Hein. Et il n'est jamais dit que lui, il restera toujours sur le trône. Non, non, non. Il n'est dit que ton règne, c'est-à-dire que ta génération, ta dynastie, ta descendance sera toujours sur le trône. Mais vous comprenez, admettez avec moi que le texte est un peu ambigu. Et que pour quelqu'un qui veut comprendre ce qu'il veut comprendre, il peut comprendre que, hey, on parle du Messie là. Et donc, tout Israël, après, était au courant de ça. Que Dieu a confirmé déjà le règne de David, parce que Dieu a parlé à David au travers des serviteurs, donc il a confirmé son règne. Mais non seulement ça, il lui donne une promesse. La promesse que, hey, celui qui viendra après là, ça va être la fête. Et ça va être la fête, ça n'aura pas de fin. C'est le règne messianique, le règne éternel, la gloire perpétuelle de Dieu en Israël. Et même tous les ennemis autour, ben, ils ne pourront rien faire. Parce que d'éternité en éternité, d'âge en âge, on sera toujours devant. La faveur éternelle de Dieu. Même si le gars fait une bêtise, on va lui faire pas bien. Mais Dieu sera toujours avec lui. C'est pas rien ça. Hein. Moi aujourd'hui, si Dieu me dit, écoute Yann, je serai toujours avec toi. Je vais te rendre grand au Canada. Tu seras plus grand que chrétien. Chrétien, ça s'appelle chrétien l'ancien. Tu seras. Mais c'est l'ancien, oui, oui. Oui, mais c'est le seul qu'on connaît en Afrique. Donc ce sera... Charles, on ne le connaît pas. Lui. Donc tu seras plus grand, tu seras connu. Et même si tu fais des bêtises, bon, je te donnerai une tape pour te ramener sur le chemin. Mais quoi qu'il en soit, t'inquiète pas. Je vais commencer là par me rouler un petit joint, histoire de... Bah, écoute, si c'est juste une tape, je me roule un petit joint, tranquille. Je prends mon temps. Après, je prends la tape. Puis je continue à fermer. Vous vous rendez compte quand même que c'est pas rien. Hein. C'est du solide, là. Vous me suivez encore? Donc, hein? Vous me suivez, non? Bon. Vous me suivez toujours? Donc, Asaph était au premier... Vous vous rappelez qu'il était... C'était un haut responsable. Il était au premier rang de tout ça. Et pour un jeune, pour un tout jeune homme qui arrive, qui rentre dans ce monde-là, qui rentre dans la prêtrise, qui est en tout début de sa carrière, c'est une promesse, mais formidable. Et lui, il sera là pour faire les chants, pour faire la louange, pour... Et bon, David met en place tout ça. Et pendant le règne de David, ça roule, ça marche bien, jusqu'à ce que Salomon vienne au monde. Et Salomon, ben ensuite le prophète Nathan qui... Ben, on confirme que c'est Salomon qui sera le roi. Et là, tout le monde se demande, mais ce sera vraiment lui? Parce que, en fait, Salomon n'est pas trop un fils d'une princesse ou d'une reine. Et puis, Salomon n'est pas né, c'était pas clair, quoi, entre David et Bathsheba. Ouais, bon, ça, l'histoire a 30 ans, ça a 30 ans l'histoire, de l'eau a coulé sous les ponts, mais on s'en souvient tous, là, hein, mais. Est-ce que, hein, on n'était pas trop, c'était un petit, je suis sûr qu'il y a eu du battement. Et je suis sûr qu'il y a eu des gens qui, eux, n'étaient pas contents que ce soit Salomon qui soit choisi pour être roi. Pourquoi? Ben, parce que c'était pas le fils des premières épouses. C'était pas les fils des épouses légitimes correctement. C'était le fils d'une femme qu'on a piquée à Uri et puis on a fait tuer. Bon, c'est pas très, et puis beaucoup étaient pour Absalom, d'autres étaient pour tel frère. Bon, c'était un peu compliqué. Et là, Salomon vient au pouvoir et à un moment, il construit le temple, il bâtit le temple. Le temple est terminé, Je pense qu'à l'époque, Asaph devait avoir autour des 60 ans, parce qu'il était jeune quand il a quand il a commencé son ministère. Il a vu toute la le règne de David. David a régné pendant 40 ans en tout. Hein. Avant à Hébron, il a régné 7 ans. À Jérusalem, il a régné 33 ans. Donc ça fait 40 ans en tout. Donc quand il est mort, Asaph devait avoir autour des 60 ans, cinquantaine, 60 ans, ou 50, 60 ans, autour de ça. Quand Salomon a commencé son règne, Salomon bâtit le temple. Et là, il est dit que le jour de la dédicace, donc ça c'est en 1 Roi 8:10, juste pour les, ceux qui aiment les références, il est écrit qu'au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée, c'est-à-dire les nuages, la vapeur, le brouillard, remplit la maison de l'Éternel. Okay? Au passage, ce n'était pas de la fumée faite par les gens, c'était vraiment c'était un prodige, c'était un miracle. C'est la présence de Dieu qui se manifestait. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Bon, pour ceux qui avaient des doutes là sur Salomon, c'est clair, c'est net, Dieu a dit oui. Ok ? Salomon a bâti le temple, Dieu par un miracle met le tampon, c'est lui, c'est l'élu, c'est the one. Et ensuite, pour ceux qui n'avaient pas bien compris, pour ceux qui avaient encore un petit doute, il est écrit que lorsque Salomon eut achevé de bâtir, là je lis un roi, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il eut plus de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il était apparu à Gabaon. Okay? Au passage, si Dieu n'était pas d'accord, il ne serait pas déjà apparu la première fois, mais réapparaître la deuxième fois, après le miracle de la nuée dans le temple. Bon, là, le doute n'est plus permis, c'est clair, c'est net, Dieu est d'accord. Et son Messie, c'est lui. C'est Salomon. Et là, Dieu dit à Salomon, il dit, j'exauce ta prière, ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais. Et j'aurai toujours les yeux, là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône, ton trône, ton royaume en Israël. Comme je l'ai déclaré à David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Bon, là, ceux qui sont autour entendent ça. Ok ? Salomon leur rapporte la vision qu'il a eue, l'apparition qu'il et la promesse qui lui a été donnée. Et là, plus un doute, plus aucun doute n'est permis. Salomon, c'est le Messie. Bon. Au passage, sous le règne de Salomon, il paraît que la Bible dit, bon, c'est une image, hein, que l'or était aussi commun que le sable. Hein, il y avait de l'or à profusion. Bref, c'est une image poétique pour dire que c'est une ère de prospérité incroyable. Incroyable. Okay? Et là, Asaph voit tout ça. Et il a 60 ans maintenant. Pour un homme de 60 ans, il se dit, ça y est, mon coco, c'est parti. Là, on est sur les rails. Les choses vont aller dans le bon sens. Dieu a fait ses promesses. Ce que j'ai compris, j'ai très bien compris, c'est ça. Dieu l'a confirmé. Tout va aller pour le mieux. Et là, au bout de quelques années, hey, les choses commencent à tanguer un peu. Ce qui s'est passé, c'est que Salomon, quand il est devenu vieux, la Bible dit qu'il est parti, il a pris des femmes, et les femmes étrangères ont entraîné son cœur à adorer d'autres dieux. Et là, il devient idolâtre. Il a pris des concubines, en veux-tu, en voilà. Des femmes par-ci, des femmes par-là. Il en avait 700. 700 concubines et 3300 princesses. Ça fait 1000 femmes. Un jour, j'ai calculé. Je peux le dire, là? Bon, ok. Non. Non, mais. Quelle force. 1000 femmes? Boy. 1000 femmes? Mais bon. Et là, il a multiplié les concubines. Il a même fait bâtir des hôtels en face de Jérusalem. Ça, c'est l'insulte suprême pour les prêtres qui étaient là. Et pour couronner le tout, eh ben, Asaph avait un petit frère, vous vous rappelez? Quand il a été nommé chef, il y avait son petit frère avec lui, qui s'appelait Zacharie. Ben, Zacharie a été assassiné. Et a été assassiné en plein sanctuaire. La Bible ne dit pas pourquoi est-ce qu'il a été assassiné. Mais Jésus en parle, dans Luc et dans Matthieu. Il dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, Baraki le père d'Asaph, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Donc le frère d'Asaph a été assassiné. Pourquoi? La Bible ne le dit pas. On ne sait pas pourquoi elle a été assassinée. Mais vu le climat qui régnait à l'époque, on peut se douter quand même de ce qui s'est passé. Asaf a vu le royaume déchiré entre les mains de Roboam, le successeur de Salomon. Il a vu des idolâtres qui prospéraient. Des gens qui adoraient Milcom, qui adoraient Astarté, qui adoraient les Baals, qui étaient montés au nu. Parce que comprenez un peu, hein, je vous explique un peu comment ça se passe. Les princesses, les princesses et machin qu'il a pris là, que le roi a pris, qui adoraient d'autres dieux. Qui vous pensez que finalement ont été au pouvoir après? Qui vous pensez qu'ont été premiers ministres, ont été ministres aussi, ministres de cela? C'est ceux qui étaient favorables à ces gens-là. Oui ou non? Toujours comme ça. Quand la femme du président, ben écoute, elle amène souvent les gens qui sont aussi favorables à eux. Si ces femmes ont amené un nouveau culte, il fallait bien des sacrificateurs, oui ou non? Il fallait bien des sacrificateurs de Baal, d'Astarté. Il fallait des prêtres. Et ces prêtres-là étaient protégés par qui? Par ces princesses-là et par Salomon. Et ces prêtres ont eux aussi formé une caste de gens qui, ben, c'était eux maintenant qui étaient les chefs en ville. Quand ils marchaient, c'est eux qu'on respectait. Si vous avez un business, vous voulez que votre business marche, là, si vous voulez avoir l'aval royal, le sceau royal, c'est pas Salomon qu'il faut aller voir, là. Parce que lui, il est intouchable. Il fallait aller voir peut-être une princesse, une cousine de la princesse un tel que je connais, qui, elle, est peut-être la fille du prêtre un tel. Ce qui fait que ben, les grands prêtres d'Israël, du temple, ils étaient un peu... C'est des has-been. Ceux qui faisaient la pluie et le beau temps, ben, c'était les princesses, c'était les prêtres de Dagon, les prêtres de ces idoles-là. Est-ce que vous suivez jusque-là? Bon. Et donc, il y avait une nouvelle catégorie de prêtres qui avaient pignon sur rue, c'était les prêtres d'Astarté et les prêtres de Baal. Je pense qu'il y a dû avoir des prêtres qui n'étaient pas d'accord. Je pense qu'il y a dû avoir des gens qui, frontalement, ont dit non. Ça, non, vous ne pouvez pas faire ça. Pas en Jérusalem, non et non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, on a dû les faire taire, hein, comme on sait le faire dans certains endroits. Voilà ce qui s'est passé. Asaf, lui, c'était un poète, c'était un chanteur, c'était un poète, c'était un musicien. Et c'est quelqu'un de sentimental, de tendre. Ce qui le touchait, lui, il le mettait en musique. Ce qui le touchait, il le mettait en... Il faisait passer ses messages au travers des psaumes. Quand on lit le psaume 113, là, quand il parle des gens qui prospèrent alors que c'est des impies et que lui qui adore le vrai Dieu, il est relégué au... C'est de ça qu'il parlait, c'est cette situation-là. Des gens qui assassinent le juste, on assassine le juste en plein jour, on assassine le juste et tu ne dis rien, Dieu ne dit rien, Dieu n'agit pas. C'était ça en fait qu'il vivait. À un moment donné, Salomon a eu des femmes, une, deux, trois, quatre, vingt, 7, 700, 800. Il voit une jolie fille, allez, toi, dans le harem. Une princesse quelque part, allez, dans le harem. Parce que franchement, 700, il faut voir la forme. Hein. Et sans parler des 300. Et à un moment donné, je pense qu'il s'est ennuyé de la vie. Mais il s'est méchamment ennuyé. Parce que quand on lit l'Ecclésiaste qui a été écrit par Salomon, je peux vous lire un peu l'Ecclésiaste? Vous allez voir, vous allez avoir une autre compréhension aujourd'hui de l'Ecclésiaste. Il dit, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'était là encore une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin. Allez, je bois, vas-y que je bois. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse que ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et vers la folie. Vous comprenez? Je vous relis ce verset. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et vers la folie. C'est dit qu'en gros, j'ai fait des choses, ouais, bon, là vraiment, je suis allé loin là. Je suis vraiment allé loin là. Et il dit, j'ai haï la vie. Complètement tombé en dépression. J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité pour ceux du vent. Si c'est l'argent, j'en ai eu. Si c'est des femmes, j'en ai eu. Je connais même pas leur nom, je ne veux même pas les compter. Si c'est des serviteurs, des servantes, des vignes, des champs, tout ce que l'homme peut accueillir, j'en ai eu mais mille fois. Et tout ça, finalement, c'est rien. À la fin, il était dépressif. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Voyez? Salomon en était arrivé là. Si vous lisez plus tard les Ecclésiastes, vous reconnaîtrez que c'est certaines philosophies orientales. Salomon a essayé quand même pas mal de trucs. Hein. Heureusement qu'à l'époque, le LSD n'existait pas. Et vous voyez ce qui s'est passé à la fin de sa vie. Asaph arrive à la fin de sa vie et là, tout va par terre. Tout va par terre. Des choses qu'on n'aurait jamais osé imaginer se passent maintenant en Israël. Le culte d'Astarté, des gens qu'on avait zigouillés, mais en veux-tu, en voilà. Ces gens-là, aujourd'hui, on les prend et puis c'est ce culte qui est rendu. Et c'est dans ça que Asaph a vécu. Quand il lit, il demande, il dit, quand moi je dors la nuit, j'en perds le sommeil. Je dis, mais est-ce que ça y est, tu nous as rejetés, c'est fini là? Parce que nous, on pensait que c'était bon. Et tout d'un coup, tout se casse la figure. Donc finalement, c'est fini. Ce dont on rêvait, on ne l'aura plus. Et Asaph, à la fin du psaume, et c'est là où cet homme, franchement, cet homme m'étonne. Sincèrement, cet homme m'étonne. Un jour, j'ai demandé à Glenn que j'ai posé la question. J'ai dit, mais comment ce gars-là a fait pour garder espoir quand même? Pour garder espoir. Vous vous rendez compte? On tue impunément un sacrificateur, mon propre frère se fait assassiner. Personne ne dit rien, même pas le roi, même pas le fils du roi, enfin même pas le... À Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les psaumes d'Asaph se finissent par une note positive. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois nous, on peut regarder aussi nos vies, et à un moment donné, on se dit, on passe par un désert. Et on se dit, mais c'est quand même marrant, parce que Dieu a fait des choses par le passé, beaucoup de prodiges, des miracles, des choses comme ça que aujourd'hui je ne vois plus. Mais est-ce que ça y est, c'est fini? Est-ce que... Malgré les désillusions, Asaph a conservé la confiance. Et ça me fait penser aux paroles de Paul. Paul qui dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Asaph, même s'il était très instruit, même s'il... Sa confiance, il ne la plaçait pas dans ce qu'il voyait. Il ne la plaçait pas dans ce qu'il avait cru. Il ne la plaçait pas dans ce qu'il avait vu. Il ne la plaçait pas dans ses déceptions. Il la plaçait toujours dans le Seigneur. Et franchement, pour moi, c'est un super homme. C'est franchement un héros, un héros de la foi. Voilà, donc ça finit là. La prochaine fois que vous lirez les psaumes d'Asaph, du psaume 73, puis je commence vers le psaume 80, un peu plus, ben, je pense que vous lirez différemment. Quand vous comprendrez, des fois, quand il dit il en a gros sur le cœur, il en a vraiment gros sur le cœur. Vraiment gros sur le cœur. Voilà. Passez un bon dimanche.